إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc nous continuons inshallah sur les explications des Arba'in al-Nawawiyya et nous avons vu la semaine dernière l'explication complète du premier hadith qui se trouve dans les Arba'in qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim dans leur Sahih, selon Ibn Omar, selon Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a entendu dans la riwaya, sami'tu, il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, innama al-a'mal bin-niyat wa innama li kulli imri'in ma nawa. فمن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كان هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. Donc ça c'est le hadith que nous avons vu, les actes. Omar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu a dit j'ai entendu du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire les actes ne valent que par leurs intentions. Quiconque fait la hijra, la migration pour Allah et son messager, eh bien, sa migration lui sera comptée comme étant pour Allah et son messager. Et quiconque fait la migration pour un bien de ce bas monde, ou pour une femme, pour se marier avec une femme, parce qu'il y avait quelqu'un qui voulait partir avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam faire la hijra, pour se marier avec une femme qui était à Médine. D'accord ? Eh bien, chacun sera rétribué de par l'intention pour laquelle il souhaitait faire la migration. D'accord ? Et donc, on avait fait, alhamdoulilah, l'explication de Cheikh Obeid Jaberi, hafidhahoullah, sur cela. Et c'était une explication, alhamdoulilah, où est-ce qu'il avait expliqué les différents points. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, pour terminer, pour Inch'Allah, pour que ce soit, on aura comme ça cerné le hadith, Inch'Allah, en espérant que toutes les autres fawaid qu'on peut tirer de ce hadith-là, Inch'Allah. D'accord ? Ce sera là sur. Ce cours-là, il sera basé juste sur les fawa'id du premier hadith, les bénéfices du premier hadith, et aussi sur certains points détaillés par les autres savants de la sunna. Nous avons vu qu'il n'y avait que Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu qui avait rapporté ce hadith. D'accord ? S'il n'y avait que Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu qui avait rapporté ce hadith, les autres sahabas l'ont entendu de Omar ibn al-Khattab. D'accord ? Et ce hadith-là, de nombreux savants ont commencé leur livre avec ce hadith-là pour leur rappeler en fait l'intention. C'est-à-dire à chaque fois que l'individu se doit de renouveler sa niya lorsqu'il vient pour faire une œuvre. D'accord ? Et on avait vu qu'il y avait un farq bayn al-niya wal ikhlas. Une différence entre la niya, l'intention et la sincérité. On avait vu que les munafiqin, ils venaient prier derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Eux, ils avaient l'intention de prier la salat en groupe. Et les sahaba, ils avaient aussi l'intention de prier la salat en groupe, d'accord ? Donc les deux, ils ont l'intention. Cependant, dans la législation, la niya, c'est le fait que tu aies l'intention de faire un amal salih, une œuvre pieuse, dans le but de te rapprocher d'Allah Azza wa Jal, et en souhaitant la récompense d'Allah Azza wa Jal par cela. Et c'est ce qui différencie, et donc que tu le fais sincèrement pour Allah, c'est ce qui différencie des munafiqin qui eux, ils ont l'intention de venir prier pour que les gens yaqulou alayhim que ce sont des musulmans. Parce que les musulmans, ils étaient forts. Ils étaient dans une période où ils n'étaient pas en faiblesse, là, ils étaient forts. Hein? Après la bataille de Badr, ils avaient certains pouvoirs. Et donc, ce qu'il y a, c'est que ils ont montré l'islam et ils ont caché la mécréance. D'accord ? Donc, les deux, ils ont l'intention. Cependant, ce qui va différencier, c'est que le sahabi, il est sincère. Hein? Dans sa niya qu'il l'a fait pour Allah Azza wa Jal souhaitant la récompense, alors que les munafiqin ils ont l'intention de venir prier mais pas pour avoir une telle récompense d'Allah Azzawajal ou faire sincèrement, c'est pour quelque chose de ce bas monde. Une maslaha. Il vient pour une maslaha. Ou bien il vient pour que les gens disent, oui, lui, tout le temps, il vient, voilà. Il recherche ça. Il a qu'un, il recherche juste ça. C'est différent de celui qui vient souhaitant la récompense. D'accord ? Donc, et chacun est rétribué selon son intention. Donc là, c'est ce qu'on va voir. Barakallahu fikum. C'est les détails dans l'agencement de mu'ana, dans ce que veut dire la particule innama et l'importance qu'elle a. Lorsqu'on commence le hadith innamal a'mal bin niyyat, c'est différent de dire al-a'mal bin niyyat. D'accord ? Donc il dit le Cheikh Mohammed bin Salih Al-Uthaymeen rahimahullah. Donc là on va voir les différents points en fawaid, d'accord, en bénéfice qu'on peut tirer. Qawluhu sallallahu alayhi wa sallam. Innamal a'mal bin niyyat, les actes ne valent que par leurs intentions. Fihi min awjihi al-balagha al-hasr. Donc là, ce qu'il y a, c'est que il y a un point qui est important, c'est que lorsqu'on lit innamal a'mal bin niyyat, ça restreint que les œuvres ne valent uniquement que par leurs intentions. Les œuvres ne valent uniquement pour l'intention qu'elles ont. D'accord ? Et c'est ça le hasr, c'est-à-dire que ça va restreindre. D'accord ? Ça va limiter le champ. Les actions ne valent que par quoi ? Leurs intentions. D'accord ? Wa huwa ithbat al-hukm fi al-mazkur wa nafyi amma siwah. C'est-à-dire confirmer le jugement sur ce qui est mentionné et invalider ce qui suit. C'est-à-dire que l'intention, elle ne va valoir, les actes ne vont valoir que restreints par quoi ? Par leurs intentions. C'est le fait que c'est restreint sur le innama. D'accord ? Fa'idha qult. Donc innama. Donc, وطريق الحصر إنما لأن إنما تفيد الحصر فإذا قلت زائد قائم فهذا ليس فيه حصر وإذا قلت إنما زائد قائم فهذا فيه حصر وأنه ليس إلا قائما. Donc, il y a une différence entre, tu dis, Zayd va se lever. Donc, il peut rester assis une période assez longue et peut-être qu'il se levera, d'accord, qu'il va se lever. Alors que si tu dis innama Zayd qa'im, mais Zayd va se lever, il ne va faire que se lever. D'accord ? Donc ça va restreindre en fait le fait. Ce qu'il y a, c'est que lui, il restreint, et ce qu'il y a, c'est que en quelque sorte, c'est qu'il oblige, il force ce qui est mentionné. D'accord ? C'est-à-dire que... Tawkid. Barakallahu fik, c'est ça. C'est le tawkid. C'est que ça va le confirmer, mais en force. C'est-à-dire que ça ne vaut que ça. C'est-à-dire que ça. Il va se lever, oui. Il n'y a aucun doute sur cela, il va se lever. Les actes ne valent que par leurs intentions. Ça va restreindre. Ça ne va que par quoi ? Que par leur intention. Elles valent que par cela. D'accord ? Que par cela. وقوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى وفي قوله donc c'est pour ça que وإنما لكل امرئ ما نوى et chacun sera rétribué en fonction de leurs intentions. Donc là il y a l'insistance sur le fait que tu n'es rétribué que par l'intention que tu as eue au départ. D'accord ? Tu n'es rétribué que par l'intention qu'il y a eu au départ. وفي قوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة Et donc dans sa parole sallallahu alayhi wa sallam, quiconque donc fait la migration pour atteindre ou recevoir un bien de ce bas monde, ou bien pour une femme qu'il va marier, eh bien sa migration lui sera comptée en fonction de son intention. D'accord ? Min al-balagha, il y a un point ici important à mentionner. Dans en fait le hadith, c'est-à-dire que même lorsque vous lisez le hadith, vous allez voir en fait une différence dans l'importance des choses. Ikhfa niyyat man hajara lid-dunya. D'accord ? لقوله فهجرته إلى ما هاجر إليه. Pourquoi en fait il dit cela le Cheikh Mohammed bin Salih Al-Uthaymin? Pour qu'on comprenne bien en fait. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: فمن كان هجرته إلى الله ورسوله. Donc, quiconque sa migration est pour Allah et son messager, il répète فهجرته إلى الله ورسوله. Alors sa migration sera pour Allah et son messager. Donc là, il a répété ce qui y précédait avant. Et ensuite, concernant les biens de ce bas monde ou une femme qui va se marier, وَمَنْ كَانَ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُسِيبُهَا أَوْ إِمْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا. Est-ce qu'il va répéter? Non. Il a dit juste فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَجَرَ إِلَيْهِ. Ceci indique quoi? Comme le dit le Cheikh Mohammed bin Salih Al-Uthaymin rahimahullah, il dit وَلَمْ يَقُلْ إِلَى دُنْيَا يُسِيبُهَا. وَالْفَائِدَ الْبَلَغِيَّ فِي ذَلِكَ هِيَ تَحْقِيرْ مَا هَجَرَ إِلَيْهِ هَذَا الرَّجُلْ. Ça méprise en fait pourquoi il ne l'a pas répété. Le fait qu'il ne répète pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quiconque fait donc la hijra pour un bien de ce bas monde, acquérir un bien de ce bas monde, ou bien pour une femme avec qui il va se marier, il ne l'a pas répété. Eh bien, il aura la rétribution. Non, il a dit, eh bien, il aura la récompense pour ce pourquoi il aura fait la migration. Il a dit, eh bien, ça, c'est pour, ça indique le mépris dans les choses de ce bas monde, et ça indique le mépris dans le fait qu'il va faire une migration pour une femme, pour se marier avec une femme. On voit l'importance, en fait, dans فَمَنْ كَانَ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. On montre l'importance de cela. Il a répété. D'accord? Et donc ça donne de l'importance, d'accord, pour celui qui le lit et qui le médite. Il voit comment que c'est important. Tu seras rétribué que ta migration sera faite pour Allah et son envoyé. Ensuite, concernant le bas monde, le prophète sallallahu alayhi wa sallam indique le mépris dans cela. Lorsque tu lis le hadith, وَمَنْ كَانَ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُسِيبُهَا أَوْ إِمْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا. Quiconque fait la hijra pour un bien de ce bas monde ou bien pour se marier avec une femme, فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَجْرَ إِلَيْهِ. Eh bien, sa migration sera pour ce quoi? Ça montre le mépris pour ces choses-là. D'accord? C'est clair? وَلَمْ يَقُلْ إِلَى الدُّنْيَا يُسِيبُهَا وَامْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا لِأَنَّ فِيهِ تَحْقِيرًا لِشَأْنِ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ وَهِيَ الدُّنْيَا وَالْمَرْأَةُ. D'accord? Et donc ça montre le mépris. Pourquoi l'individu, il a fait la migration? Pourquoi? Pour un bien de ce bas monde ou pour une femme qu'il va se marier. Alors, الأعمال, donc dans le hadith, lorsque vous lisez إنما الأعمال. Donc l'أعمال en arabe c'est جمع عمل, c'est le pluriel de donc l'œuvre, d'accord, l'acte d'adoration, l'œuvre. Donc l'أعمال ce sont les œuvres, d'accord, les œuvres ne valent que par leurs intentions. ويشمل أعمال القلوب, et ça donc les œuvres ça englobe quoi? Premièrement أعمال القلوب, les œuvres du cœur. وأعمال النطق, les œuvres de la prononciation, d'accord. Wa a'mal al-jawarih, et les œuvres dans les membres, d'accord. Donc là, on différencie bien dans les œuvres. Il y a quoi? Il y a les œuvres du cœur, les œuvres de la prononciation, ce que tu vas dire, tu vois, et les œuvres des membres, d'accord. Fatashmul hadhihi al-jumla al-a'mal bi anwa'iha. Donc rien que cette phrase là, elle englobe en fait tous les différents types d'œuvres, d'accord. Fal-a'mal al-qalbiyya, parmi les œuvres du cœur, qu'est-ce qu'il y a? Ma fil qalb min al-a'mal kat-tawakkul 'ala Allah, tel que la confiance en Allah, wal inaba ilayhi, et le fait de revenir repentant vers Allah, wal khashya minhu, et la crainte pieuse vis-à-vis d'Allah azza wa jalla, wa ma ashbah dhalika, et tout ce qui rentre dans cela. Et un point ici à souligner, lorsque le cheikh dit at-tawakkul 'ala Allah, la confiance en Allah, ça c'est une œuvre du cœur. Et c'est un acte d'adoration. Et c'est pour ça qu'il est strictement interdit de vouer la confiance pour autre qu'Allah. Par exemple, il est strictement haram de dire « Je te fais confiance, tu me le ramènes demain, oui je te fais confiance. » Ça c'est haram de dire ça. Dire qu'il est fiable au lieu de confiance. Parce que Lui, c'est une créature. Allah Azza wa Jal dit وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Vous ne voudrez que ce qu'Allah Azza wa Jal veut. Donc toi, tu fais la cause, la sunna, tu fais la cause, tu places ta confiance en Allah. Tu mandates quelqu'un pour faire quelque chose, ou là tu lui dis, écoute, tu as la responsabilité de faire telle ou telle chose, mais tu places ta confiance en Allah Azza wa Jal. Parce que c'est pas lui qui dit, oui, je le fais, mais Allah Azza wa Jal décrète que cet individu-là lui arrive quelque chose et il ne peut pas faire. D'accord ? Donc la confiance, elle ne se place pas en l'individu qui est la créature. D'accord ? Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup, parmi aussi les prédicateurs, ceux qui font la da'wah, qui disent quelqu'un de confiance ou quelqu'un de... Et ça, c'est une erreur, ça. On ne dit pas quelqu'un de confiance, on dit quelqu'un qui est fiable. Et même dans Usul al-Hadith, lorsque vous étudiez tout ce qui est la science du Hadith, vous ne trouverez jamais que Al-Dhahabi ou bien Ibn Rajab dit sur un tel que j'ai confiance sur ce narrateur. Jamais vous trouverez ça. Mais vous trouvez quoi ? Thiqa ou bien Ghayr Thiqa. D'accord ? Ou bien Mudallis. Yani, thiqa, c'est pour dire fiable. Il est fiable. Tu dis pas j'ai confiance en un tel. Ou celui-là, oui, c'est quelqu'un de confiance. Et ça, le problème, c'est qu'on en... Même des prédicateurs qui sont dans la sunna, ils font des erreurs de langage. Tu vois? Mais c'est pour ça qu'il faut bien distinguer que le terme confiance, on n'utilise que pour Allah. Parce que c'est une œuvre du cœur. D'accord ? Par exemple, il y a un homme, il a dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Ma sha'Allah wa shi't. Ce que Allah veut et ce que tu veux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu Aja'altani lillahi naddan bal qul ma sha'Allah wahdahu. Ou bien dans une riwaya, qul ma sha'Allah thumma shi't. Donc l'homme il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam ce que Allah veut et ce que tu veux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu M'as-tu mis en tant que égal à Allah Azza wa Jal, mais dis ce que Allah veut seul. Ou bien tu dis ce que Allah veut, puis ce que tu veux. Parce que le puis, le fait de dire puis, ça coupe. Ça ne met pas au même niveau. Ce que Allah veut au-dessus de tout, puis ce que tu veux. Mais tu ne voudras que ce qu'Allah Azza wa Jal veut. Donc, tu confirmes le fait que la volonté, eh bien, chaque individu a une volonté. D'accord ? Et non pas comme les qadariyas, que les qadariyas, qu'est-ce qu'ils font ? C'est qu'ils renient en fait que l'individu a une volonté. Ils le renient. Ils disent non, eh bien, Allah Azza wa Jal ne sait pas ce que fait l'individu. Et les individus créent leurs propres œuvres. Et c'est après avoir créé leurs propres œuvres qu'Allah Azza wa Jal sait. Et donc. Il place Allah après, en fait. Ou bien, il y a une autre qui s'appelle Al-Jabriya, qui, eux, qu'est-ce qu'ils font ? C'est qu'ils disent que l'insan majbour. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu es contraint. Il va te dire, mathalan, ah ben, si j'ai fait ce péché-là, c'est parce qu'Allah Azza wa Jal l'a décrété. Tu vois ce que je veux dire ? Il va te dire, si j'ai volé, c'est parce que c'était écrit. Tu vois le problème, il est où ? Il y en a plein, qui sont aux frontières en fait de cette secte égarée, Audoubillah, mais sans s'en rendre compte que ça c'est une croyance, Audoubillah, qui est fausse. Toi tu as une volonté, certes, parce que Allah Azza wa Jal dit وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. D'accord ? Et nous lui avons montré les deux voies, la voie du bien et la voie du mal. Donc Allah Azza wa Jal t'a donné un cerveau. Tu choisis, regarde, il a montré la voie des compagnons. La voix des croyants, elle est où ? Il l'a montré clairement dans le Coran. Hein ? C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal dit وَمَنْ يُشَاقَقَ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلَ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Quiconque fait scission d'avec le messager, quiconque fait scission d'avec le messager et suit autre que la voix des croyants. Les croyants durant le wahy, durant la révélation, c'était qui ? Les croyants durant la vraie révélation ? Les sahaba. Les sahaba. Donc quiconque fait scission oppose le messager sallam et suit autre que la voie des croyants, c'est-à-dire des sahaba, nous le rendrons responsable pour son choix. Hein? Et le mettrons en enfer, et quelle mauvaise destination. Donc déjà, toi, tu as un choix. Allah Azzawajal, il t'a montré les deux voies. Tu peux choisir. Et Allah Azzawajal a tout clarifié. La voie droite, elle est où? Inna hadha sabili fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subul fatafarraqu bikum an sabili. Dans sourate Al-An'am, ceci est ma voie, suivez-la et ne suivez pas les autres voies car elles vous égareront de ma voie. Subhanallah. Allah Azzawajal, dans le Coran, il a détaillé quels sont les attributs des croyants, quels sont les attributs de ceux qui sont sur la voie droite, quel est tout ça. Et Allah Azzawajal a également détaillé les attributs des gens qui se sont égarés. Allah Azzawajal dit وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلَ الْمُجْرِمِينَ, pour que la voie des criminels soit clarifiée. مَعْنَتْهَا وَهَدَيْنَهُ النَّجْدَيْنِ, nous lui avons montré les deux voies, la voie du bien et la voie du mal, comme Ibn Abbas radiallahu anhu avait expliqué. Eh bien, là, ce qu'il y a, c'est que la voie des croyants, tu sais clair, elle est où, elle est comment, quels sont ses sifats, ses attributs, ses aqib. Et la voie des criminels, Allah Azzawajal l'a détaillé. Ceux qui vont faire scission avec le messager, ceux qui vont opposer le messager, ceux qui vont suivre autre que la voie des sahabes, tu vois. Donc, lorsque c'est clair, tu as le choix. D'accord. Donc, mais la guidée, c'est Allah Azzawajal qui la donne. D'accord. C'est Allah Azzawajal qui la donne. Donc, toi, tu fais le choix en demandant l'aide d'Allah Azzawajal, qu'il te montre la vérité comme étant la vérité et qu'il fasse que tu la suives et que tu l'acceptes, et qu'il te montre le faux comme étant le faux et que tu le vois et que tu t'en écartes. Et lorsque tu es sincère dans cela, alhamdoulilah, Allah Azzawajal, c'est celui qui a du cœur, qui a du bien dans son cœur, il le guidera vers le bien. Voilà que l'offre. Donc, en gros, les œuvres, si l'intention du cœur est sincère, toi, il faut en sorte que tes œuvres correspondent à la sincérité de ton cœur, pour que tu ailles vers le bon chemin. Barakallahu fik. Si il me faisait sourire, ça, je disais en gros. Non, mais quelque chose que. Et la résumée. Barakallahu fik. Donc, l'individu qui est sincère, qui veut le haq, ce qu'il y a, c'est qu'il est prêt à écouter le haq. Allah dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, regarde comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a expliqué. Alhamdoulilah, il va dire, il ne va pas istakbar, tu vois. Il ne va pas commencer à dire, mais non, c'est quoi ce truc-là, c'est quoi ça. Venez. Yani, regarde, Allah Azza wa Jalla a dit ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ça. Et voilà comment s'expliquer. Yani, c'est wadih. Hein? Taraktukum ala al-mahajjat al-bayda, laylouha kanahariha, la yaziru anha illa halik. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je vous ai laissé sur une voie droite claire, blanche de jour comme de nuit. Yani, elle est claire, wadih. Tu vois? Pas d'ambiguïté. De jour comme de nuit. Claire. Seuls ceux qui sont destinés à l'égarement et à la perdition vont s'en écarter. Tu vois, Oudoubillah. Parce qu'Allah Azza wa Jalla sait. Tu vois? Allah Azza wa Jalla sait qui mérite la guidée de celui qui ne la mérite pas. Allah al-Musta'an. Donc, ce qu'il y a, c'est que barakallahu fikum, c'est que l'individu, il a un choix. D'accord? Cependant, il ne veut que ce qu'Allah Azza wa Jalla veut. Donc il dit, par exemple, je vais faire telle chose, Inch'Allah, si Allah veut. D'accord? Parce qu'il ne faut pas oublier de dire cela. Même dans la sourate la caverne, le fait... وَلَا تَقُلَنَّ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ. Et ne dis pas que je vais faire telle chose demain, excepté si Allah Azza wa Jal le veut. Barakallahu fikum. Donc ça veut dire que lui, Andulaniya, il a l'intention, il veut le faire. Mais si Allah Azza wa Jalla ne lui a pas décrété, tu vois, il ne pourra que ce qu'Allah Azza wa Jalla veut. Tu vois, subhanallah. C'est vrai que quand tu penses maintenant que des fois on se complique, moi le premier, hein, on se complique la vie, alors que dès notre naissance, Allah il nous a déjà décrété ce qui nous arrivera en bien en mal, notre risque, notre mort et tout ça. Donc, non, c'est pour ça, barakallahu fik. Pourquoi maintenant il y en a, ils se prennent la tête ou ils s'énervent s'ils n'ont pas eu telle chose? Et Allah Azza wa Jal dit, وَعَسَ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَاللَّهُ يَجْعَلْ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. Vous allez peut-être détester une chose, mais Allah y mettra beaucoup de bien. Ouais. Et ça se trouve peut-être qu'en forçant le destin, si je me dérange, ou ne pas accepter ça, peut-être que parce que c'est Allah le plus savant, il sait ce qui va devenir de tout ça. Mmh. C'est, puis c'était comment dire. Non, mais même écrit. Ouais. Parce que même cette parole-là, en forçant le destin, elle n'est pas correcte. Parce que ce qu'Allah Azza wa Jalla a destiné, c'est ce qui arrivera. Tu peux forcer tout ce que tu veux. Tu peux faire bouger les montagnes que tu veux. Allah Azza wa Jalla n'a pas décrété. Fais venir. Subhanallah. Donc ce qu'il y a, c'est que c'est pour ça que le terme confiance, il est banalisé dans notre vie de tous les jours, tu vois. Ah, oh, mais je te fais confiance. Ah oh, non, t'inquiète, c'est quelqu'un de confiance, il peut rester... Ah oh non, Femi, non. La confiance, c'est une œuvre du cœur. Elle ne doit être vouée qu'à Allah Azza wa Jalla seul. Si maintenant tu veux parler de quelqu'un, est-ce que quelqu'un est correct ou quoi que ce soit? Tu dis pas, c'est quelqu'un. Tu dis c'est quelqu'un de fiable, Inch'Allah. Wa nahsabuhu kadhalik. Et c'est ce qu'on sait de lui, c'est quelqu'un de fiable, alhamdulillah. Fiqa, pour être en accord avec... Hein, la parole des pieux prédécesseurs, qu'ils utilisaient quoi dans le hadith? Ils utilisaient fiqh. Ils ne disaient pas qu'ils font confiance sur tel narrateur. Non. Barakallahu fikoum. Donc. C'est quoi, Barakallahu fikoum, la définition de Amin? Amin, moi, depuis tout à l'heure, moi, je veux le dire depuis tout à l'heure. Amin, parce que c'était un attribut du professeur. Alors, je veux l'Amin. L'Amin, non, justement. L'Amin, c'est quoi? C'est le dépôt. C'est pas la confiance. Parce que dans la traduction, c'est ce qui est. Oui, mais ça, c'est encore une mouche là dans les traductions. Écrit Allah, Musta'an, tu vois. Ça, c'est une mouche là. Moi, j'ai vu. Non, Al-Amin, le digne de confiance. Ah oui, c'est vrai. Non, ça, c'est faux. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tu vas déposer, barakallahu fik, 5000 euros au frère. Tu lui dis, gardez, Inch'Allah, parce que je sais que si je vais les laisser chez moi, je vais les dépenser ou je sais pas quoi. Hari, amen. D'accord? Donc, est-ce que pour autant, le fait que je lui ai laissé au frère, ça veut dire qu'automatiquement, que si tu dis digne de confiance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es persuadé à 2000%, d'accord, qu'il n'arrivera à rien et que lui te les préservera. Donc ça veut dire que tu as complètement annulé tout provenant d'Allah Azza wa Jalla. Et tu ne t'en es pas remis à Allah Azza wa Jalla, mais tu t'en es t'en remis à qui? Au frère. Ouais, c'est vrai. L'œuvre du cœur, en fait. Donc, barakallahu fikum, c'est pour ça que dès que tu dis Al-Amin, c'est quoi? C'est celui qui respecte le dépôt et non pas le digne de confiance. Voilà. Alors, je vais te dire... C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il avait dit? Hein? Dans les... Celui qui respecte le dépôt sera considéré comme un traître. Celui qui trahit le dépôt. Ouais. Et non pas celui qui trahit la confiance. Mmh. D'accord? C'est celui qui trahit le dépôt. C'est pour ça que Barakallahu fikoum, c'est ce qu'on avait mentionné, Barakallahu fikoum, sur les dangers de traduction qu'on peut trouver. Hein. Mmh. Il y en a un, ils disent, je vous avais dit, j'étais tombé sur un site, une personne était intéressée par l'islam. Il lui expliquait la ilaha illallah, c'est que nul autre que Dieu ne peut être adoré. Mais ça, c'est faux, ça. Pourquoi? Parce que si tu dis nul autre que Dieu ne peut être adoré, ça veut dire que tu fermes les yeux sur le fait que d'autres choses sont adorées en dehors d'Allah. Et donc tu veux dire que nul autre que Dieu peut être adoré, ça veut dire que tout ce qui est adoré, de toute façon, c'est Dieu. Donc ils veulent dire que l'arbre, ou la vache, ou la drachnia, c'est wahdat al-wujud, ça. Que le créateur et la création ne font qu'un. C'est ça qu'ils veulent. Tu vois le mushkla? Tawahidi qui est intéressé par l'islam, elle entend ça. Donc, elle voit quelqu'un adorer une vache et tout, normal. Tu vois le problème, Allah al-Musta'an. C'est pour ça que c'est un problème ce qu'on trouve avec l'histoire de digne de confiance, voilà. L'Akhi, qui respecte le dépôt, quelqu'un de fiable. Donc, il disait le Cheikh Barakallahu Fik, on va refermer cette parenthèse-là. Donc, les œuvres du cœur, at-tawakkul 'ala Allah. Placer sa confiance en Allah. Parce que tu sais que la créature, il ne veut que ce qu'Allah Azza wa Jal veut. Donc tu ne peux pas... Et si tu places ta confiance en autre qu'Allah, ça devient du shirk. C'est ça le problème, tu vois le problème? Parce que tu considères que c'est cette personne-là, tu sais qu'elle ne pourra te le faire, telle chose. Donc c'est ça. Alors que lui, c'est qu'une créature. Il ne peut agir que si Allah Azza wa Jal lui permet. Subhanallah. C'est le fait de nous éloigner du souvenir d'Allah, en fait, de mettre l'importance Allah par rapport à cette confiance qu'on la met sur les gens, tu vois. Non, mais ça c'est Allah al-Musta'an. Ça c'est le problème, c'est la banalisation du langage. Oui, c'est vrai. Hein, tu vois, banalisation du langage. Et quand un il purifie pas son langage par ce genre de termes-là, il va trouver c'est normal. Il va plus le considérer comme une acte d'adoration. Et donc, c'est pour ça que lorsqu'il y a des gens qui vont aller voir l'Amouette et puis ils vont dire Yassidi Foulen, Yassidi Foulen, c'est tellement devenu banal qu'ils ne le considèrent pas comme une ibada. Ils vont dire, mais non, comme on le verra, Inch'Allah, dans la deuxième partie du cours, Inch'Allah. Donc, parce que ça se banalise, tu vois. Et, mais ce qu'il y a, c'est que chacun devra rendre des comptes sur ce qu'il a dit et ce qu'il a fait le jour de la résurrection. Donc, on ne peut pas sous-estimer, barakallahu fikum, ce qui concerne la législation d'Allah Azza wa Jal. Donc, ça, ce sont parmi les œuvres du cœur. La confiance en Allah Azza wa Jal, le revenir repentant vers Allah Azza wa Jal, la crainte pieuse, d'accord? Donc, et tout ce qui est dans ce sens-là. Et les œuvres dans la prononciation. Les œuvres dans la prononciation. Donc, il dit, donc, les œuvres par la. Par la prononciation, c'est ce que la langue prononce. Et comme sont nombreuses les paroles de la langue. Et je ne connais rien, le shir dit, je ne connais rien parmi les membres qui fait plus, qui œuvre plus que la langue. La langue, elle œuvre beaucoup plus que tous les membres. Subhanallah. Donc il dit. ما ينطق به اللسان وما أكثر أقوال اللسان ولا أعلم شيئا من الجوارح أكثر عملا من اللسان اللهم إلا أن تكون العين أو الأذن. Je ne connais rien des membres qui œuvrent plus que la langue, mais peut-être ne serait-ce les yeux et les oreilles. والأعمال الجوارحية أعمال اليدين والرجلين وما أشبه ذلك. Et donc les œuvres par les membres, c'est œuvrer avec la main, les jambes et ce qui entre dans cela, donc avec les membres du corps. Donc, les œuvres donc, sont faites avec le cœur, la prononciation et les membres. D'accord ? Al-a'mal bin-niyyat, an-niyyat jam'u niyya, wa hiya lughatan al-qasd, wa shar'an al-'azm 'ala fi'l al-'ibada taqarruban ila Allah ta'ala wa mahalluha al-qalb. Fa hiya 'amal al-qalbi wa la ta'allaq lil-jawarih biha. Donc il dit, les œuvres, on va expliquer la partie du hadith, les œuvres ne valent que par leurs intentions, donc leurs intentions au pluriel, niyat, c'est donc le pluriel de niya, intention, qui signifie, comme nous l'avons vu la semaine dernière, linguistiquement ça veut dire le but, d'accord ? Alors que dans la législation, c'est le fait de avoir le cœur, faire en sorte que ton cœur soit prêt à faire tel acte d'adoration, la conviction de faire tel acte d'adoration pour se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Ça, c'est dans la législation. D'accord ? La certitude serait plutôt l'yakin. Donc, mais c'est plutôt l'azm, c'est la conviction. Conviction, détermination. Ce terme-là est inch'Allah mieux. La détermination de faire telle œuvre, d'accord ? Pour se rapprocher d'Allah. Détermination de faire un acte d'adoration pour se rapprocher d'Allah. Ça, c'est dans la législation. Tandis que dans linguistiquement, c'est le but. La niya, c'est le but. Donc linguistiquement, le croyant et l'hypocrite peuvent avoir le même but. Venir prier en groupe. Dans la législation, il se diffère. Dans la législation d'Allah Azza wa Jal, celui-ci est déterminé à faire tel acte d'adoration pour se rapprocher d'Allah. Comme pour les émigrés, pour Allah et son prophète. Barakallahu fik. Il vient de ce monde, ça y est. Barakallahu fik, oui. Alhamdulillah. Inch'Allah, fermi. Les ailes. Et donc, wa innama li kulli mri'in ma nawa. Wa innama li kulli mri'in, ay li kulli insan. Donc, dans la partie du hadith, mais chaque individu, ma nawa, aura comme une intention, c'est-à-dire, il aura de l'intention qu'il a eue. Il y avait un frère, il m'a dit entre parenthèses, il a rencontré quelqu'un qui était en Algérie, avant il était en France, et puis il s'était établi en Algérie. Et le frère, il lui a dit, ah, mashallah, t'as fait la hajra, t'es établi ici, et tout. Il dit, quoi ? Non, je voulais rentrer au bled, c'est tout. Allah al-musta'an. Ouais, bien sûr, mais il y en a, comme il y en a, ils vont dans. Ouais, mais tu vois, le problème, c'est quoi? Il aurait fait la niya pour la hijra. Allah Azza wa Jal lui pardonne ce qu'il y a avant. Ouais, bien sûr. Il y en a deux, en fait, il y a un énorme bienfait. Tu vois, comme quoi, comment l'ignorance tue, Akhi, Allah al-musta'an. Elle te fait rater beaucoup de points. Ce qu'il aura, il sera rétribué en fonction de ce qu'il a eu comme intention. Lui, son intention, c'est qu'il voulait rentrer parce qu'il fait bon au bled et puis c'est voilà. Mieux. Soleil et tajine. Voilà. Eh bien, c'est comme l'intention. Il n'aura pas l'intention de la hijra. C'est comme l'intention de celui qui va donner une sadaqa publiquement et celui qui va la donner secrètement, elle ne sera pas la. Ben, ici, il y a un point qu'il faut différencier, c'est-à-dire que, ouais, mais s'il la donne publiquement dans le sens qu'il veut encourager, si ça nie, c'est ça, il veut encourager pour que les autres donnent. Mais si ça nie, donc c'est pour ça que chacun sera rétribué en fonction de sa nie. S'il la donne publiquement pour dire j'ai de l'argent, regardez, je donne plus, donc tu vois, chacun sera rétribué en fonction de son intention. Là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit un point important dans le bénéfice de ce premier hadith de l'Arba'in Nawawi. Il dit. Donc, là, comment on différencie les habitudes des actes d'adoration? Il va donner des exemples. Il y a quelqu'un qui mange un plat juste parce qu'il avait envie de ce plat-là. Il mange. Donc lui, sa niya, c'est quoi? C'est parce qu'il avait envie de ce plat-là, donc il l'a mangé. D'accord? Même si, par exemple, admettons, il n'a pas encore mangé, ou bien il a déjà mangé, ou par gourmandise ou autre. Il voulait le manger, pourquoi? Parce qu'il avait envie de ce plat-là. Donc il l'a mangé. Seulement, c'était pour ça. Un autre individu, وَالرَّجُلِ الْآخِرِ يَأْكُلُ الطَّعَامِ اِمْتِثَالٍ لِأَمْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ فِي قَوْلِهِ وَكُولُوا وَشْرَبُوا. Subhanallah. Voilà la différence. Hein. Il dit, et l'autre homme mange la nourriture. C'est pour se conformer à la parole d'Allah, le Très-Haut, et manger et buvez. Ah oui, c'est vrai que là, par contre, ça ne va pas. Oui, le hadith. Subhanallah, regardez cette première faïda. Un individu qui mange parce qu'il a envie de le manger. Ah, j'aime bien les kebabs, ah, j'aime bien les tacos, ah, j'aime bien les je sais pas quoi. Et il mange parce que voilà, par gourmandise, mathalène, voilà, parce qu'il avait envie de ça. Alors que l'autre mange, pourquoi? Parce que sa niya, c'est pour se conformer à la parole d'Allah et manger et buvez. D'accord? Dans Sourate Al-A'raf, verset 31. Akala thani ibada. Donc, le repas de ce qu'il a mangé, le deuxième, c'est un acte d'adoration. T'imagines, il mange et il est en train d'adorer Allah. C'est un acte d'adoration. Wa akala al-awwal 'ada. Tandis que le premier qui mange, c'est quoi? C'est une habitude. Parce qu'il est midi, il faut manger. Femni? Parce qu'il est 8h. Donc lui, c'est une habitude. Thaniyan, un autre exemple. Ar-rajul yaghtasil bil-ma tabarrudan. Il y a un homme qui se lave avec l'eau. Pourquoi? Pour se rafraîchir. Maintenant, il fait chaud, il va se rafraîchir. Wa thani yaghtasil bil-ma min al-janaba. Le deuxième se lave pour se purifier de la grande impureté. D'accord? La janaba. فالأول عادة والثاني عبادة. Le premier, c'est une habitude. Ça tombe dans les habitudes, c'est-à-dire il se lave pour se rafraîchir. Tandis que le deuxième, il se lave mais avec la niya de faire les grandes ablutions. Donc cela, c'est un acte d'adoration. Donc on voit que l'utilisation de deux choses, deux individus se lavent, l'un est en acte d'adoration, l'autre n'est pas en acte d'adoration, il fait une habitude. D'accord ? ولهذا لو كان على الإنسان جنابة ثم انغمس في البحر للتبرد ثم سلف فلا يجزيه ذلك. Donc il a dit, si un individu est en état de grande impureté, d'accord, en état de janaba, en état de grande impureté, puis il se lave dans l'eau dans le but de se rafraîchir, d'accord, et qu'il se met ensuite à prier. D'accord? Donc il avait la Genève, il avait la grande impureté, mais il va se laver pourquoi? Pour se rafraîchir. Et il se met à prier, eh bien, le fait qu'il s'est lavé ne va pas, le fait qu'il s'est lavé de cette façon-là n'est pas correct. Oui, c'est pas... Parce que lui, son intention, c'était pour se rafraîchir. Et non pas pour enlever la grande impureté. Donc en faisant cela, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, ce n'est pas correct ce qu'il fait. D'accord? Il ne peut pas prier dans cet état. C'est-à-dire que même s'il s'est douché, il s'est douché, d'accord? Ben oui, parce que lui, il voulait se rafraîchir, et non pas pour faire les grandes ablutions. Et après, il s'est mis à prier. Il va te dire quoi? Ouais, mais ça y est, je me suis douché. Ouais, mais subhanallah, est-ce que t'as fait la nid? Ouais, c'est vrai, il y a des gens qui pensent comme ça. Ou bien, mathalan, il y en a, ils ont raté des jours du mois de Ramadan, vient le jour de Ashura. Et ils jeûnent le jour de Ashura. Il a jeûné. Après, quelques temps, il te dit, ouais, mais... j'ai jeûné aussi le jour de Ashura, j'ai jeûné le lundi et jeudi. Pour faire la sunna? Oui, mais ça n'a rien à voir. Non, parce qu'en fait, le problème, il est où? C'est que lorsqu'il a jeûné Ashura et le lundi et jeudi, il n'a pas fait l'intention qu'il voulait rattraper le jour du mois de Ramadan. D'accord. Et espérer la récompense de Ashura, et espérer la récompense de lundi et jeudi. Donc s'il n'a pas fait l'intention, il aura toujours ces jours-là à rattraper. C'est-à-dire que ça ne va pas être diminué. D'accord? Parce que les œuvres ne valent que par leurs intentions. Ouais. Les inclure dans lundi ou jeudi. Naam. Ils ont dit, les mashaykhs, ils ont dit que ça c'était correct. C'est-à-dire que tu as des jours à rattraper, tu vas jeûner par exemple lundi et jeudi selon la sunna. Donc tu as des jours à rattraper. Ta niya, c'est de rattraper les jours qui te manquent. Tu dois faire cette niya là. Et tu espères également qu'en jeûnant le jeudi, que tu reçois la récompense de la sunna. D'accord ? Ils ont dit, Inch'Allah, que voilà, ça c'est correct. D'accord ? Inch'Allah. Donc, il a dit quoi ? Il a dit que l'individu donc, qui est en état d'impureté, de grandes impuretés, et qui se douche juste pour se rafraîchir, et qui se met à prier, eh bien, ce n'est pas suffisant pour prier. لِيَنَّهُ لَبُدَّ مِنَ النِّيَّةِ Car il est indispensable que l'intention soit là, qu'il fait la douche, non pas pour se rafraîchir, mais pour faire les grandes ablutions. C'est ça la différence. Tu ne veux pas faire une douche et te dire « Ah, maintenant, c'est bon, je me suis douché, c'est bon. » Non, est-ce que tu as eu la niya? Tu n'as pas eu la niya, tu te redouches. Avec la niya cette fois-ci. « وَلِهَذَا قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ » C'est pour ça que certains gens de science ont dit « عِبَدَتْ أَهْلُ الْغَفْلَ عَادَتْ وَعَادَتْ أَهْلُ الْيَقَضَ عِبَدَتْ » Subhanallah. Hein? Il dit, certains gens de science disent « Les actes d'adoration des gens de l'insouciance sont des habitudes. Et les habitudes des gens de la vigilance sont des adorations. » Ah, ce qui renouvelle, c'est ta niya. Ben oui, c'est ça. T'imagines, toi, tu manges, écrit. Basé là-dessus, en fait. Tu manges, tu renouvelles la niya dans ta tête, tu le fais pour te conformer à la parole d'Allah. Et donc, il dit Ibadat ahlul rafla adat. Les actes d'adoration des gens de l'insouciance sont des habitudes. Les actes d'adoration des gens de l'insouciance sont des habitudes. وعادات أهل اليقظة et les habitudes des gens de la vigilance, ils sont vigilants, ils ne sont pas pris par l'insouciance, eh bien il dit ce sont des عبادات. وعادات أهل اليقظة عبادات. Les habitudes des gens de la vigilance sont des actes d'adoration. Hada, il mange parce qu'il a faim ou parce qu'il trouve que c'est bon. Alors que l'autre, cette habitude-là, il en a fait une adoration. Il mange pour se conformer à la parole d'Allah Azza wa Jal et manger et buver. Tu vois la différence, subhanallah. Barakallahu fikum. Donc, ibadat ahlul ghafla, adat, mithaluhu. Donc, les actes d'adoration des gens de l'insouciance, ce sont des habitudes, comme man yaqoum wa yatawadda wa yusalli wa yadhhab ala al-ada. Celui qui se lève, qui fait ses ablutions et qui part à la prier, parce que c'est par habitude qu'il fait ça. Tac, il va se lever, allez, c'est l'heure du fajr, c'est l'heure du dhuhr, il va se lever, il va faire ses ablutions parce qu'il faut faire les ablutions, et il va y aller parce qu'il faut y aller, et il va prier parce qu'il faut prier. C'est devenu une habitude. وعادات أهل اليقظة عبادات. Et les habitudes des gens de la vigilance, ce sont des adorations. مثاله من يأكل امتثالا لأمر الله يريد إبقاء نفسه ويريد التكفف عن الناس فيكون ذلك عبادة. سبحان الله. Il dit donc celui qui mange en se conformant à la parole d'Allah, par cela il cherche à préserver son corps. Hein? Et il cherche à ne pas être dans le besoin aux autres. Tu vois? Que quelqu'un lui donne à manger ou quoi que ce soit. D'accord? Alors, il va manger pour être indépendant du reste des gens et pour préserver son corps. En se conformant à la parole d'Allah, cette habitude-là, ils l'ont transformée en une adoration. Et un autre exemple, un homme. لبس ثوبا جديدا يريد يترفع بثيابه فهذا لا يؤجر. Un autre exemple, un individu achète, il met de très beaux vêtements. Dans le but de quoi? D'être élevé au sein des gens. Parce qu'il est bien habillé et tout cela. Lui, ça nie, hein, c'est d'être un peu au-dessus des gens, le fait je m'habille mieux qu'un tel, un tel, un tel. Donc celui-là, il n'est pas récompensé. Et un autre. لبس ثوبا جديدا يريد أن يعرف أن الناس يريد أن يعرف الناس قدر نعمة الله عليه وأنه غني فهذا يؤجر. Celui-ci, qu'est-ce qu'il fait? Il met les plus beaux vêtements. Sa niya, c'est quoi? C'est que les gens savent les bienfaits qu'Allah Azza wa Jalla lui a donné. Tu vois? C'est-à-dire qu'il va mettre. Lui, sa niya, c'est quoi? Le premier. Il met les beaux vêtements dans le but de quoi? D'être élevé au-dessus des gens. Pour soi-disant se faire passer pour regarder. Tu vois, il commence un peu à lever la tête, à dire attention, j'ai tel habit, je suis très bien habillé, tu vois. Pour soi-disant être au-dessus des gens, quoi. Alors que l'autre, il met des beaux vêtements, ça nie à c'est quoi? C'est pour que les gens voient en lui les bienfaits d'Allah, Azzawajal, qui lui ont donné. Tu vois? Et qui n'a pas besoin, qui n'est pas dans la demande des gens. Vous voyez, il y a deux individus qui peuvent s'habiller et puis c'est comme l'Est et l'Ouest. Hein. D'accord? وراج الآخر لبس يوم الجمعة أحسن ثيابه لأنه يوم جمعة وهذه عادة. Il y en a un, le jour du vendredi, il a mis les meilleurs vêtements, d'accord? Parce que c'est le vendredi. D'accord? Parce que c'est le vendredi et c'est une habitude. Vendredi, tu t'habilles bien. والثاني لبس أحسن ثيابه تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذه عبادة. Donc le premier, il a mis les plus beaux vêtements le jour du vendredi parce que on est le vendredi, il faut bien s'habiller. Le deuxième, il met les meilleurs vêtements afin de se conformer à la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ceci c'est un acte d'adoration. Tu vois la différence entre hada, il fait pour se conformer à la sunna, et hada, il fait parce qu'on le fait, c'est tout, c'est une habitude. Excuse-moi, ce cours-là est enregistré? Non, il est enregistré. Alhamdoulilah. Tamyiz al-ibadat ba'duha min ba'd. Parce que normalement je devais arrêter à 4h, mais il y a un point important que j'aimerais mentionner avant de faire la suite, la semaine prochaine. Donc, là, différencier les actes d'adoration, les unes d'entre elles. رجل يصلي ركعتين ينوي بذلك التطوع. Il y a un homme qui prie deux rak'at et il fait cela en prière surérogatoire. D'accord? En prière surérogatoire. وآخر يصلي ركعتين ينوي بذلك الفريضة. Il y en a un autre qui prie deux rak'at avec l'intention de faire une prière obligatoire. Donc il y en a un qui prie deux rak'at mais en faisant une prière surérogatoire. Le deuxième aussi prie deux rak'at mais lui, son intention c'est de faire une prière obligatoire. D'accord? Une prière obligatoire. فالعملان تميزا بالنية. Donc les deux œuvres se distinguent en fonction de l'intention. Tu vois deux personnes prier. Mathalan, celui-ci, il est en voyage. Il prie le dhuhr de rak'at. D'accord? Tu le vois là. Par exemple, il est en train de prier de rak'at. Et il y en a un autre, il se lève et il prie de rak'at. Ou bien il rentre à la mosquée, il prie de rak'at. Celui-ci a une niya de nafila et celui-ci a une niya de prière obligatoire. Ok? Ou bien quelqu'un qui prie deux rak'at, par exemple pour le fajr. D'accord? Il arrive, il est arrivé en retard à la prière obligatoire. Tu le vois, il prie deux rak'at. Et il y a quelqu'un qui se lève après la prière et il prie deux rak'at. Celui qui s'est levé après la prière, il prie deux rak'at parce qu'il n'a pas pu prier la sunna avant la prière. D'accord? Et celui-ci qui est arrivé, il prie deux rak'at. Donc les deux, ils prient deux rak'at. Mais les œuvres diffèrent. Pourquoi? Parce que celui-ci, il fait la niya que c'est l'obligatoire. Et celui-ci, il fait la niya que c'est la sunna. La surérogatoire. D'accord? Hada nafl wa hada wajib. Donc il y en a un que c'est surérogatoire, l'autre c'est obligatoire. Wa ala hada faqis. إذن المقصود بالنية تمييز العبادات بعضها من بعض كالنفل مع الفريضة أو تمييز العبادات من العادات. Donc il faut distinguer les actes d'adoration les unes des autres. Tu distingues l'obligatoire du surérogatoire. Et tu distingues l'acte d'adoration de l'habitude. D'accord ? Tu t'habilles parce que je vais bien m'habiller parce que c'est vendredi. Numéro 1. Numéro 2, tu t'habilles en t'habillant bien. Pourquoi ? Parce que tu veux te conformer à la sunna. Hein, il est récompensé celui-ci ? Non, il le fait par habitude. Subhanallah. Vous voyez, yani, sur des points comme ça, subhanallah, comment un individu peut rater plein de récompenses et plein de... C'est quoi la doa pour nous rapprocher de ça ? Enfin, l'effort exact C'est en nous-mêmes, c'est comment Tu invoques Allah Azzawajal. Allahumma a'ini ala dhikrika wa shukrika wa husn ibadatik. Oh Allah, aide-moi à me rappeler de toi, à faire du dhikr, à te remercier et à t'adorer comme il se convient. D'accord, barakallah. D'accord. Donc si on veut s'aider par ça, là, justement, donc ça veut dire qu'à chaque moment, chaque chose. Tu viens pour faire quelque chose, tu voilà. dis. Voilà. Pour se dire je comment je peux la mettre dans la niya. Tu te laisses pas, par exemple, tu vois t'es rentré dans la mer, d'accord ? Si tu restes comme ça, le courant il va t'emmener, il va t'écarter. Ce qu'il y a, Eri, c'est qu'à chaque fois, tu dois faire un effort pour rester plus proche du bord. Donc tu dois renouveler la niya. À chaque fois, tu fais quelque chose, pourquoi je la fais ? Comme ça, si le shaitan le lapidait, il essaie de t'insuffler quelque chose, tu renouvelles pour que ce soit fait sincère pour Allah Azza wa Jalla. À chaque fois. Pour pas que tu tombes dans une habitude, et pour pas qu'après tu tombes dans du riyah, tu vois, ou bien dans la soma, ou bien dans l'ostentation, ou bien dans le fait que tu espères que les gens disent sur toi. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, ça veut dire ce que je veux dire, mais il faut prendre l'habitude de... Voilà. Bah, c'est pour ça. C'est ça, c'est, tu vois, là, entre les gens de la vigilance et les gens de l'insouciance. Et comment on peut avoir cette vigilance-là et ne pas être touché par l'insouciance ? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, subhanallah. Vous voyez, hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: "Ma anzala Allahu da'an illa anzala lahu shifa. 'Alimahu man 'alima wa jahilahu man jahila. Fa idha usiba dawa'u da' bari'a bi idhnillah tabaraka wa ta'ala." Subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah n'a pas fait descendre une maladie excepté qu'il a fait descendre son traitement. Dans notre exemple là ici à nous, la maladie c'est l'insouciance. Le traitement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a informé. Parce que dans la suite du hadith que je viens de mentionner, il a dit, Allah n'a pas fait descendre une maladie excepté qu'il a fait descendre son traitement. Celui qui le sait, donc il va œuvrer dessus. Tandis que celui qui l'ignore, l'ignorera. Il va passer à côté. L'insouciance, maladie, traitement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait mentionné que celui qui se lève la nuit pendant que les gens dorment et récite 10 versets du Coran sera préservé de l'insouciance. D'accord, barakallahu fikum. Wa'lam anna an-niyya. On va terminer avec ce point-là, inshallah. Wa'lam anna an-niyya mahalluha al-qalb. Et sache que l'intention, son lieu, c'est quoi ? C'est le cœur. Wa la yuntaq biha itlaqan. Et il n'est pas permis de prononcer. Il n'est pas permis de prononcer l'intention. À voix haute, comme il y en a qui font. C'est un renouvelle dans le cœur. Je leur dis, ya ami, barakallahu fik. Tu dois pas faire ça. C'est vrai. Donc il dit, la niya, son lieu, c'est quoi? C'est le cœur. D'accord? Et que tu ne dois pas la prononcer. لِأَنَّكَ تَتَعَبَّدْ لِمَنْ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تَخْفِ الصُّدُورِ. Donc, car que tu adores qui? Tu adores celui qui connaît la trahison des yeux et ce que cachent les cœurs. وَاللَّهُ تَعَالَى عَلِيمٌ بِمَا فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ. Et Allah Azza wa Jal sait ce qu'il y a dans le cœur des gens. وَلَسْتَ تُرِيدْ أَن تَقُمْ بَيْنَ يَدَيْ مَنْ لَا يَعْلَمْ حَتَّى تَقُلْ أَتَكَلَّمْ بِمَا أَنْوِي لِيَعْلَمْ بِهِ. Mais tu n'es pas, tu ne veux pas que tu te mettes entre les mains de celui qui ne sait pas ce que tu vas faire jusqu'à ce que tu l'en informes. Non, c'est pas ça. Tu n'as pas besoin de le dire à voix haute. Tu vas adorer celui qui sait ce que cachent les cœurs et qui connaît la trahison des yeux. Tu vois? إِنَّمَا تُرِيدْ أَن تَقِفْ بَيْنَ يَدَيْ مَنْ يَعْلَمْ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسَكْ وَيَعْلَمْ مُتَقَلَّبُكَ وَمَاضِيكْ وَحَاضِرَكْ. لهذا لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضوان الله عليهم أنهم كانوا يتلفظون بالنية. Donc, mais toi, tu vas te mettre entre les mains de celui qui sait ton passé, ton présent, ce que tu vas faire. Il sait ce que cache ton cœur, il sait ce que tu vas faire. D'accord? Donc, tu n'as pas besoin de le dire à voix haute. Et il n'a jamais été rapporté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ni de ses sahabas, qu'il prononçait l'intention à voix haute. وَلِهَذَا فَالنُّطْقُ بِهَا سِرًّا أَوْ جَهْرًا بِدْعَةً يُنْهَى عَنْهَا. C'est pour ça que prononcer la niya, l'intention, à voix basse ou bien à voix haute, ceci est interdit car c'est une innovation. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et sahaba ne l'ont jamais fait. D'accord? Il n'y a aucune preuve. Donc une innovation, c'est quoi? C'est le fait que tu veux te rapprocher d'Allah Azza wa Jal par une œuvre, mais qui n'est basée sur aucune preuve. D'accord? Donc, ceci est interdit car c'est une innovation de la prononcer, que ce soit à voix basse ou bien à voix haute. خِلَافًا لِمَنْ قَالَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ. Ça, c'est à l'opposition de ce que certains gens de science ont dit. إِنَّهُ يُنْتَقُ بِهَا جَهْرًا وَبَعْضُهُمْ قَالَ يُنْتَقُ بِهَا سِرًا. Donc ils ont dit pourquoi en fait certains parmi les gens de science ont dit il peut la prononcer à voix basse ou l'autre il peut la prononcer à voix haute afin que ce qu'il dit soit en conformité avec ce qu'il y a dans son cœur. Il dit le shir, ya subhanallah, yani subhanallah, ayna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam an hadha, où est l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans cela? لو كان هذا من شرع الرسول صلى الله عليه وسلم لفعله هو وبينه للناس. Si cela avait fait partie de la législation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous aurait devancé dans cela. Et il l'aurait fait, et il l'aurait clarifié aux gens qu'il faut faire comme ça pour adorer Allah azza wa jal. De faire attention avec la voix haute ou la voix basse. Voilà, mais donc il n'a jamais. Donc même si par exemple vous voyez, il y a des gens de science qui peuvent avoir ces propos-là. D'accord? Mais là, ils se sont trompés parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a jamais fait. D'accord? On respecte les gens de science, les savants, leur statut. Mais on ne fait pas un suivi aveugle. Nous, notre juste, c'est le Coran et la Sunna. L'imam Malik, rahimallah, a dit, si vous trouvez une chose que j'ai dit qui est en opposition avec un hadith authentique, prenez ma parole et jetez-la contre un mur et suivez le hadith authentique car mon madhhab, ma voix, c'est le hadith authentique. Alors qu'aujourd'hui, ceux qui se prétendent Maliki, hein, ils rejettent les hadiths authentiques pour suivre ce qu'ils ont envie de faire. Donc, c'est pour ça que ça, c'est une bid'a. D'accord? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait bien mentionné qu'il n'y a pas un prophète avant lui, excepté qu'il a montré à sa communauté tout ce qu'il connaissait comme bien pour se rapprocher d'Allah. Et il leur a mis en garde contre tout ce qu'il connaissait comme mal afin qu'il s'écarte Dieu de l'enfer. Donc il a tout clarifié. C'est pas il a peut-être oublié. Astaghfirullah. Si tu dis il a peut-être oublié, ça veut dire que comme l'imam Malik rahimahullah dit, faqad za'ama anna an-nabi sallallahu alayhi wa sallam khana ar-risala. Il prétend donc en disant qu'il a oublié ou il n'a pas fait attention. Astaghfirullah. Ou peut-être qu'il a oublié, ou peut-être que ça. Il y a peut-être un hadith qui était caché, qu'ils n'ont pas encore trouvé, comme certains y croient en dehors. Tu vois ce que je veux dire? Ils viennent avec des trucs. Yani, s'il dit comme ça, il prétend que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a trahi la religion. Pourquoi? Parce que Allah azza wa jal lui a ordonné de transmettre la législation. Hein? De transmettre son message. Donc s'il dit que il a oublié de le transmettre, ça veut dire que eh bien il n'a pas il a pas fait son sa mission en tant que qu'envoyé prophète d'Allah. Vous voyez? Donc c'est une bid'a de prononcer la niya à voix haute. Il est interdit donc de la prononcer à voix haute ou bien de la prononcer à voix basse. Tu fais la niya que tu vas faire une prière qui est obligatoire. Que tu l'as fait sincère pour Allah et que c'est salat al-asr. Ces trois points-là. D'accord? Parce que tu dois différencier les actes d'adoration les unes d'entre elles. Tu peux répéter. Dans ta tête, tu fais une niya lorsque tu viens faire une salat. Tu fais une niya. Que d'une part, que tu. Quel est l'acte d'adoration que tu vas faire? C'est quoi? Que tu fais la salat. Et que cette salat-là n'est pas une nafila, mais que c'est une obligatoire. Et que. Quelle est cette salat-là que tu vas faire? Le dhuhr ou le asr? Ou le maghrib ou l'aïcha? D'accord? Donc tu dois bien clarifier quelle est cette salat-là que tu fais. Et le troisième point, que tu l'as fait sincère pour Allah. D'accord? Tu dois savoir quelle est l'œuvre que tu fais. Spécifier quelle est... Je jeûne. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais la salat ou la jeûne? Je jeûne. Tu spécifies l'œuvre dans ta tête. Quel est ce jeûne? Obligatoire ou surérogatoire? Ah oui, surérogatoire. Surérogatoire, mesela, lundi. Ou bien si tu as raté un jour du mois de Ramadan. Ouais. Obligatoire, en espérant la récompense aussi de faire en conformité avec la sunna lundi. Troisième point, sincère pour Allah Azza wa Jal, que tu ne veux pas que tu le corromps avec de l'ostentation. Donc c'est, en fait, ça revient à celui qui émigre pour Allah et son messager. Ben, sa niya, c'est quoi? Voilà, les œuvres ne valent que par leurs intentions. Barakallahu fik. Il dit le Cheikh Mohammed bin Salih al-Uthaymin, rahimahullah, wa yuzkar anna amiyan min ahli Najd. Il dit qu'il y avait un parmi les gens du commun qui est de la région de Najd en Arabie Saoudite. Kana fil Masjid al-Haram. Il était dans la mosquée à la Mecque. D'accord? Arada an yusalli salat adh-dhuhr. Il voulait prier donc la prière du dhuhr. Wa ila janibihi rajul la ya'raf illa al-jahr bin-niyya. Et il y avait à ses côtés il y avait à ses côtés un homme qu'il connaissait. Donc lui, celui-là, il vient de la région du Najd en Arabie Saoudite, d'accord? Il allait prier donc la salat du dhuhr. Et à ses côtés, il y avait quelqu'un qui ne connaissait que le fait de prononcer l'intention à voix haute. Ouais, d'accord? Donc, وَلَمَّا أُقِيمَتْ صَلَاتَ الظَّهْرِ قَالَ الرَّجُلَ الَّذِي كَانَ يَنْتُقُ بِالنِّيَّ. Donc lorsque, ça y est, il y a eu l'iqama de salat al-dhuhr, l'homme qui ne faisait à chaque fois les œuvres qu'en faisant la niya, l'intention à voix haute, qu'est-ce qu'il s'est mis à dire? Allahumma inni nawaitu an usalli salat adh-dhuhr arba rak'at lillahi ta'ala khalf imam al-masjid al-haram. Donc il dit, oh Allah, il s'est mis à dire, à prononcer comme ça, oh Allah, j'ai l'intention de prier la prière du dhuhr composée de 4 rak'at pour Allah le Très-Haut derrière l'imam de la mosquée sacrée. وَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يُكَبِّرْ قَالَ لَهُ الْعَمِّي. Et lorsqu'il a voulu faire Allahu Akbar commencer, celui qui était à côté, qui faisait partie des gens du commun, il lui a dit أَصْبِرْ يَا رَجُلْ. Patiente. Attends, patiente. بَقِيَ عَلَيْكَ التَّارِيخ وَالْيَوْمُ وَالشَّهْرُ وَالسَّنَةُ. Il manque que tu mentionnes donc la date, le jour, le mois et l'année. Fata'ajjaba ar-rajul. L'homme, il s'est retrouvé, il était, ça l'a bloqué, quoi. D'accord? Là, une shubha, et on va terminer avec cette shubha-là, inshallah, d'accord? Que quelqu'un, il peut te dire, parce que toi, tu lui dis que la niya, l'intention, elle ne doit pas être prononcée ni à voix basse, ni à voix haute. Ça, c'est, tu dois le dire dans ton cœur. D'accord? وَهُنَا مَسْأَلَةٌ إِذَا قَالَ قَائِلٌ قَوْلَ الْمُلَبِّي. لبيك اللهم عمره ولبيك حجا ولبيك اللهم عمره وحجا اليس هذا نطقا بالنيه دونك لا يدي سي ا كلكان maintenant qui dit oui mais celui qui va faire le hajj ou bien l'umra il dit parce qu'il doit dire لبيك اللهم عمره والله يعني je vais faire يعني je réponds à ton appel pour faire l'umra ou bien le hajj. Ils disent, est-ce que ça, ce n'est pas une intention? D'accord? Fil jawab, la. Hada min idhar sha'irat al-nusuk. Wa li hada qala ba'd al-ulama, inna talbiya fi al-nusuk ka takbirat al-ihram fi al-salat. Subhanallah, vous voyez la différence là? Parce que quelqu'un, il peut te donner, tu lui dis, ouais, non, c'est haram de faire l'intention à voix haute ou à voix basse. Il vient avec une chobra pour te bloquer. Il te dit, oui, mais alors ceux qui disent labbayk Allahumma umra ou bien labbayk hajja, d'accord? Ils disent, ça c'est une intention? La réponse est non. La réponse est non. Pourquoi? Parce que tu te conformes à la législation d'Allah. Les gens de science, ils ont dit que le fait de dire cela correspond, c'est comme la takbir et l'ihram que tu fais lorsque tu commences la salat. Allahu Akbar. D'accord? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Maftah al-salat al-tuhur tahrimuha takbirat al-ihram wa tahliluha al-taslim. La clé de la prière c'est les ablutions. Ce qui rend tout interdit c'est le fait de faire la takbirat al-ihram. Et bien ils ont dit que lorsque tu dis Allahumma labbayka umra ou bien hajja, et bien ils ont dit c'est comme lorsque l'individu commence la salat en disant Allahu Akbar. Parce qu'en faisant comme ça, en disant ces paroles là, eh bien, il se met en état de sacralisation. D'accord? Comme dans la salat, tu dis Allahu Akbar, il t'est interdit de parler autre que ce qui est légiféré, interdit de rire, interdit de manger, interdit de, tu vois, de te retourner ou faire quoi que ce soit. D'accord? فَإِذَا لَمْ تُلَبَّى لَمْ يَنْعَقِدُ الْإِحْرَامِ. C'est pour ça que, donc, s'il ne dit pas Allahumma labbayk, umra ou bien hajja, eh bien, il ne se met pas en état de sacralisation. D'accord ? كما انه لو لم تكبر تكبيره الاحرام للصلاه ما انعقدت صلاتك. Donc si tu ne fais pas la takbirat al-ihram, tu n'es pas encore entré dans la salat. Donc tu dois la dire. Tu dois dire Allahu Akbar pour rentrer dans la salat. C'est un pilier parce que ça fait partie de la salat. On avait dit condition, ça ne fait pas partie de l'acte d'adoration, mais le pilier fait partie de l'acte. C'est une ouverture, c'est comme si tu mettais une clé. L'adoration. C'est ce qui te permet de rentrer dans la salat. Voilà. Donc, on va se terminer. Alors, attendez, il y a un point là qui dit وَلِهَذَا لَيْسَ مِنَ السُّنَّةِ أَن تَقُولْ مَا قَلَهُ بَعْضُهُمْ اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ نُسُكَ الْعُمْرَ أَوْ أُرِيدَ الْحَجِ فَيَسِّرْهُ لِي. Cela ne fait pas partie de la sunna de dire, lorsque tu viens pour faire la umra ou bien le hajj, déjà, tu dois dire ce qui te permet de te mettre en état de sacralisation. Mais tu ne dois pas dire, oh Allah, je veux faire une umra, facilite-le-moi, ou je veux faire un hajj, facilite-le-moi. D'accord ? لِأَنَّ هَذَا ذِكْرٌ يَحْتَاجِ إِلَى دَلِيلٍ وَلَى دَلِيلٍ. Parce que si tu dis cela, parce que tu es dans tu appliques un acte d'adoration. Tu sais que un acte d'adoration, pour le faire, il n'y a pas d'acte d'adoration excepté si tu as une preuve, un texte clair du Coran ou de la Sunna. Donc celui qui dit que oh Allah facilite-moi le hajj ou la umra, celui-ci, s'il veut dire cela, il doit avoir une preuve. Cependant, il n'a pas de preuve. D'accord? Idhan unkiru ala ma nutiqa biha walakin bihudu bi an aqul la يا أخي هذه ما قالها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه فدعها. Tu lui dis calmement, hein, celui qui veut faire ça, tu lui dis, mon frère, ni le prophète صلى الله عليه وسلم ni les sahaba n'ont dit ce genre de choses. Donc délaisse-le. فإذا قال, s'il te dit, قالها فلان في كتابه الفلاني, il y a un tel qui l'a dit dans tel livre. Toi tu lui réponds, فقل له القول ما قال الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. C'est-à-dire qu'il vient pour se mettre en état de sacralisation. Ah oui, je suis là. D'accord ? Ouais. Il doit dire la formule pour rentrer dans l'état de sacralisation. Comme lorsque tu viens pour refaire la salette, tu dois dire la formule pour rentrer dans la salette. Tu dois dire Takbirat l'Ihram, tu dois dire Allahu Akbar. Donc si lui, il ne fait pas la formule de sacralisation, d'accord, il ne rentre pas en état de sacralisation. Donc ça, ce n'est pas une intention à voix haute ou à voix basse. Ça fait partie, c'est comme la Takbirat l'Ihram, ce n'est pas une intention. C'est que ça fait partie de la législation pour rentrer dans l'acte d'adoration. Ou pour, tu es dans l'acte d'adoration, pour rentrer dans la salette, ou bien pour rentrer, pour être en état de sacralisation pour commencer la Umrah et le Hajj. Donc ça, ce n'est pas une niya, d'accord, ça, c'est... S'il te dit, donc si quelqu'un dit cela, « Oh Allah, je vais faire le Hajj, facilite-le-moi », tu lui dis, « Ehi », parce que ça, c'est une niya, il veut faire le Hajj. Lui, il s'est mis en état de sacralisation, il veut rajouter ça. Oh Allah, je vais faire le Hajj, facilite-le-moi, ou je vais faire l'Umrah. Tu lui dis, Akhi, ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni les sahaba ne l'ont fait, donc délaisse-le. S'il te dit, mais je l'ai lu dans un livre de Fulani, tu lui dis, nous, notre Dieu, c'est Allah, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit. Donc, même si Fulan, ou bien un grand savant a dit cela, c'est un ijtihad de sa part. Si c'est un savant, et qu'il a fait l'ijtihad, il sera récompensé une fois s'il s'est trompé, et deux fois s'il a dit juste. D'accord ? Mais s'il s'est trompé, on ne le suit pas aveuglement. Parce qu'Allah Azza wa Jalla a dit فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهِ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Si vous divergez sur quoi que ce soit, retournez-le à Allah et à son messager si vous croyez en Allah et au jour dernier. Et vous aurez ainsi la meilleure explication. D'accord ? On va s'arrêter ici pour les Arba'in. Et puis on va commencer, Inch'Allah. Il va nous rester pratiquement une demi-heure, Inch'Allah. La première règle. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك